des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est le palmarès C'est fou, édition week-end. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou, édition week-end pour la semaine du 2 octobre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on vous parvient des studios de C'est fou à Trois-Rivières. À venir aujourd'hui, en deuxième heure, ce sera la portion mishmash. Je vais dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés depuis la semaine dernière dans Palm Rest in Peace. Mm-hmm. Et je vais retourner en 2002 dans la chronique nostalgique C'était fou. En troisième heure, ce sera la portion top 10 avec les positions 10 à 6. Et je vous présenterai aussi mon segment de découverte musicale L'huile de palmarès. Et finalement, en quatrième heure, ce sera la portion top 5. On va savoir si Paupières et Queens of the Stone Age tiennent toujours bon au sommet de nos palmarès. Mais on commence avec la première portion de l'émission, les nouvelles entrées. La rafale des palmarès C'est fou édition week-end commence tout de suite. Voilà, c'est tout pour l'édition week-end des palmarès C'est fou. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine avec notre formule quotidienne. En direct du lundi au jeudi de midi à 13h pour Tania Baudin et moi-même Mathieu Plante. Bon week-end et à lundi!